Bonsoir tout le monde et c'est parti pour une nouvelle émission des Bonnets Rouges et ce jusque 21h. Say no to a barrel of rum. A barrel of rum, a barrel of rum. We'll never say no to a barrel of rum. We set sail for Jamaica with sugar leaf barrels to be filled with the rum as they call the soul scoundrels. With the swallow times free, we'll then set out to sea. To the north we shall steer as drunk as can be. A barrel of rum, a barrel of rum. We'll never say no to a barrel of rum. A barrel of rum, a barrel of rum. We'll never say no to a barrel of rum. With the scullery maid to my cabin I'll stumble. Like a true buccaneer, yeah, we'll screw on the barrels. Then I'll send her away and go dance on me deck. I'll drink me some more until rum I will sweat. A barrel of rum, a barrel of rum. We'll never say no to a barrel of rum. A barrel of rum, a barrel of rum. We'll never say no to a barrel of rum. They stand up and rise as the captain arrives, with the flask in his hand and a peg at his thigh. He drank himself drunk and gagged over his trunk. He grabbed a handful of plunder. The walls are sheathed under. Sailing for months, and for months we've been drunk. The rum gets so strong, I care not if we sunk. With a red eye, sweet home, we have finally reached. What was rum in a barrel has now turned to screech. A barrel of rum, a barrel of rum. We'll never say no to a barrel of rum. A barrel of rum, a barrel of rum. We'll never say no to a barrel of rum. A barrel of rum, a barrel of rum. We'll never say no to a barrel of rum. A barrel of rum, a barrel of rum. What is that screech? It's the rum, me son. Et l'on vient de s'écouter A Barrel of Rum des Study Swagger, ce groupe montréalais. C'est un morceau issu de leur dernier album que je vous conseille d'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et on va continuer maintenant avec un groupe irlandais, Kilnaboy, et le morceau Refusenik, issu de l'album Prison Bars and Battle Scars. Ce sera suivi des Real Mackenzie avec Burnout, issu de l'album Westwine, et un morceau issu du dernier album des Bishop Green, album intitulé Pressure, et le morceau est intitulé Tomorrow. Et ce sera tout ça en musique sur C'est Fou dans Les Bonnets Rouges. As a Jewish person that was raised on all these values of liberation and humanity and freedom, We cannot kill the desire of the Palestinian people to live in freedom. tomorrow brings us home. Tomorrow brings us home. Et c'était Bishop Green avec le morceau Tomorrow issu de l'album Pressure, le dernier en sortie en date. Et juste avant, c'était Burnout des Real McKenzie et Refuse Nick des Killnaboy. Et on va continuer avec un groupe de la rive sud, Alien Scab et le morceau Nothing Wrong issu de l'album Coming Soon. Et ce sera suivi de PBG de Kill Matilda issu de l'album Punk Zombie et Rock'n'Roll. C'était Kill Matilda avec le morceau PBG issu de l'album Punk Zombie Rock'n'Roll. Et juste avant, c'était Nothing Wrong de Alan Scab. Et on va continuer dans les bonnets rouges à rocker, j'ai envie de dire un petit peu. Parce qu'on va s'écouter Anti-Flag, le morceau Nothing Recedes Like Progress, issu de l'album The General Strike. Ce sera suivi de School of America des Total Chaos, morceau issu de l'album Freedom Kill. Le 69. Oui, oui, excusez-moi. Bonjour, asseyez-vous, hein. Bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Slobodan. Ah, monsieur Slobodan. Eh ben dites-moi, hein, depuis le temps que je vous convoque et que je vous envoie des propositions de travail sérieux, rien, hein, ouais, rien. C'est... Vous déménagez? Ah, ben je vois que vous êtes remis depuis 1995. Oh, ben on cherche pas de travail, hein, tout va bien, hein. Si, bien sûr. Enfin, bon, sachez que le Pôle emploi a décidé d'arrêter de subventionner les feignants, hein. Donc, ah bon? Ben là, écoutez... Je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire, hein, vous, monsieur Slotan, ce beau dame, hein. Ben, c'est qu'avec des potes, on fait de la musique et on a... De la musique. Non mais, ouais. Et monsieur Slobodan, dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Yeah, I sing during the day, and I sing during the night, and I always sing during a fucking girlfriend. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche sur l'herbe tendre des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, c'est tout et c'est rien. Je chante sur mon chemin. Je chante, mais la faim qui m'affaiblit tourmente mon appétit. Je tombe tout à en creux d'un sentier. Je défaille en chantant et je meurs à moitié. Gendarme qui passait sur le chemin. Gendarme, je tends la main. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger. Je suis tout léger, léger. Je suis pas très riche, avec polo, avec la gueule de clodo, je trouve pas de boulot. Et parfois quand je croise un con qui me trouve mignon, à chaque fois je suis tellement con qu'à tous les coups elle me dit non. Tout seul, tout seul, hey, tout seul comme un chien, tout seul, tout seul, tout seul. seul comme un chien. Tout seul, tout seul, tout seul comme des chiens. Tout seul, tout seul, tout seul comme des chiens. Tout seul, tout seul, tout seul comme un chien. Tout seul, tout seul, tout seul comme un chien. Tout seul, tout seul, tout seul comme des chiens. Tout seul, tout seul, tout seul comme des chiens. Et vous écoutez toujours les bonnets rouges sur C'est fou. Et là, c'était Les Sales Majestés avec le morceau Tout Seul, issu de l'album Sex Freak and Politique. Et juste avant, c'était écouter deux morceaux de Opium du Peuple avec Pôle emploi tout d'abord. C'est plus un petit blablatage au début, mais comme il s'enchaînait bien avec Je Chante, qui est le morceau suivant sur l'album, et je me suis dit, oh, c'est con, on va passer ça. C'est, je trouvais ça amusant, là, un petit peu, là, enfin amusant. C'est ça. Et on va continuer avec des morceaux amusants aussi, avec... La bière des Garçons Bouchers, issue de leur album intitulé Les Garçons Bouchers, ce sera suivi du blues intestinal des VRP, et ça, comment dire, vous m'en redonnerez des nouvelles. C'est un morceau issu de l'album Remords et Triste Pète, et ce bloc se finira avec un morceau des Vieilles Salopes, Juste Je Me Permets, issu de l'album Aime-moi Tendre, Aime-moi Vrai. Et maintenant, place à la musique. semblait tourner pour lui. En quête d'un refuge, il errait sans répit. Après lui le déluge, car il avait une grosse envie. C'était un long week-end, un de ceux où tout est fermé. Pas un troquet ouvert, il continuait à marcher. Pourvu que la chance vienne, se disait-il au fond de lui. Mais pas la moindre Vespasienne pour lui passer sa grosse envie. Il n'était pas à l'aise un peu après-midi. Il regrettait les fraises et la crème chantilly. Du remords il avait regretté d'avoir pris trois fois du cassoulet et bien 18 demi. N'avait pas mauvais front, sa démarche moins naturelle semblait briller son pantalon. Mais au détour d'une ruelle, serrant les fesses, il aperçut. Oh non, l'aubaine était trop belle, mais si un chiotte de co en vue. D'abord il n'osa pas courir, espérant faire de son mieux. Mais tout à coup, craignant le pire, il accéléra un petit peu. Mais au malheur, arrivant là, il s'aperçut avec détresse, fouillant ses poches de haut en bas, qu'il n'avait pas la moindre pièce. Quel gâchis! Vient de s'écouter Les Vieilles Salopes avec le morceau Juste Je Me Permets. C'était issu de l'album Aime-moi tendre, aime-moi vrai. Alors que ma voix partait dans le ton aigu là tout de suite, là je sais pas pourquoi. Et juste avant, on avait un petit blues intestinal partagé par le, j'ai envie de dire, le triste pet sur le cou, pet comme l'animal en anglais là, faut de notre ami camarade B. Hein, petit blues intestinal cette semaine, ton chien? Ouais, pauvre Porter. Ouais. C'était spécialement dédié pour lui, tu vois. Ouais, en tout cas, ça y a pris au moins une journée pour s'en remettre, là. Et le, journée d'av- et le morceau d'avant, il était dédié à toi, la bière, des garçons bouchés. Tiens, je me disais que ça t'allait très bien. Et on va continuer avec Wartin et le morceau Si je peux, issu de l'album Sentiments d'urgence et dernier tournage, la théorie du boxon, issu de l'album Pour un repas riche et pas cher. C'est bon. Ah ouais. Allez-y. Allez. Continuez, procédez. Musique. rappeur, c'est plutôt drôle, quelle ironie. En y pensant, je leur offre leur plus grand rôle. Derrière leurs beaux bijoux, ils se la jouent humanitaire, récitant leur long discours, faussement contestataire. Un moment de rincer les petits fours dans leur salon. Et c'était dernier tournage, de la théorie du boxon, et c'était issu de l'album Pour un repas riche et pas cher. Et juste avant, on s'écoutait Martin avec Si je peux, issu de l'album Sentiment d'urgence. Et on va continuer toujours en musique dans les bonnets rouges. Sûrement le dernier bloc hein, qui sera composé d'Atrocity Solution et le morceau Withering Away. Ouais, notre ami camarade B approuve ce message. J'approuve le message. C'est ça. Et ce sera suivi par Die Schwarzenschäfe avec le morceau Akzeptiert die Polizei nicht als Autorität. Il me semble que tu le dis vraiment trop bien. J'en suis quasiment jaloux. Je vais te donner des cours pendant les pubs tout à l'heure, l'histoire de corriger ça. Non? Ah oh, ouais. Je te niaise un petit peu. Ouais. Mais puis, je les passe pas à soir, là, des Schwarzen machin truc, là. Die Schwarzenschäfe. C'est ça, j'en passe pas ce soir. T'en passes pas? Non. Peut-être la prochaine fois. Et puis je pense qu'on va rajouter un autre. Ouais. On va peut-être rajouter un autre morceau après ça d'ailleurs, les deux morceaux là, d'Atrocity Solution et Die Schwarzenschäfe. Mais je sais pas encore lequel, là, le temps que je choisisse, tiens. Petite surprise. Allez. Oh, j'ai une surprise, moi. On commence en musique. Et on va rajouter une petite primeur du Stomp Record avec un morceau de Easton Radical. C'est tout nouveau. Ça arrive dans les bacs. Aujourd'hui même, en fait. Aujourd'hui même reçu par notre ami Camarade B. Et ce sera un morceau, du coup, de l'album Zero Hour qui vient de paraître, comme on vient de le dire. Et ce sera Whistleblower dans vos oreilles. Et après, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Bonnets Rouges. Et puis, Skype Uncle va commencer dans quelques minutes. Là. Ouais, on s'écoute la petite primeur de chez Stomp Record. Ouais. Allez. Mr. Radical, deuxième album. Musique. Oh, on commence là au début, Adrien, là. Ouais, on a dit une primeur, on n'a pas dit en plein milieu du morceau. On non, est quand même, là. Ouais, écoute, là. T'avais pas fait d'erreur en plus aujourd'hui. Non, non, elle était parfaite. Non, je me suis. Je pense que pour la. Je pense que c'est la faute du Q, là, on va dire ça. Ouais, puis pour la rediff, là, je la couperais même pas, cette bout-là. Mais. Non, je vais laisser l'erreur je vais, comme ça. Je vais garder ce que je voulais dire pour moi, et puis allez, musique. Saves in the end.